Voilà, salut à toi, Ludmilla. Salut. Alors, ce soir, vous pouviez pas y échapper à une petite émission sur mai 68. Oui, bien sûr. Donc, je sais pas si tu te souviens, mais à peu près tous les 10 ans, ça fait, on est une commémoration de mai 68. Alors, il y a 10 ans, je me disais, ça doit être la dernière fois, après on n'en parlera plus. Eh ben non. Alors, c'est reparti comme il y a 10 ans, puis c'est reparti comme il y a 20 ans. Il y a 30 ans, je ne sais pas, hein, parce que ça fait un peu loin. Je ne peux pas répondre à ta question. Je ne peux pas y répondre, même celle il y a 10 ans. J'étais beaucoup plus jeune, donc ça m'intéressait peut-être un petit peu moins. Je dirais que c'est un peu toujours la même chose. Hein. C'est toujours avec les fameux anciens combattants, entre guillemets, hein, parce qu'on ne peut pas vraiment vraiment dire qu'ils ont combattu, mais... Alors, ce soir, une petite émission, on va peut-être parler de ce qu'on parle pas trop d'habitude sur mai 68. Ce serait une émission, on va dire, un petit peu sociologique, sur les philosophes qui ont marqué mai 68, les intellectuels aussi. Il y aura même un petit côté, on va dire, côté jouissif. Voilà. J'ai quelques petits slogans de mai 68 de côté. Je sais plus où c'est que j'ai récupéré ça, mais il y a certains qui ne sont pas forcément très connus. Hein. J'ai un petit problème parce que je suis obligé de travailler avec l'ordinateur, c'est pas évident. Je préfère quand même le papier. Alors, la France de 68. Alors on peut pas vraiment savoir ce que c'était, hein, parce que moi j'étais pas né de toute façon, puis non plus non plus. Oh, je pense c'est, pas. C'est un temps non. que les moins de 70 ans ne peuvent pas connaître. En effet. Quoique si, mes parents s'en souviennent et puis ils n'ont pas cet âge-là. Hein. Peut-être les anciens de la radio. Ouais. Peut-être, oui. Alors, je pourrais pas commencer avec le canard enchaîné. Il nous a fait un hors-série ce trimestre-ci où il parle de malbouffe, mais aussi il fait un petit retour sur mai 68. Alors ça permet de se rappeler ce que c'était la France de 68. Alors c'est pas tout à fait la même chose que maintenant, parce qu'on nous raconte des belles choses sur le gaullisme, c'est presque une histoire de conte de fées par moment. Et en fait, c'est pas vraiment ce qu'il raconte hein, dans les faits. Bon. On peut voir que c'est même tout à fait autre chose. Puisqu'à l'époque, il faut quand même rappeler que la censure était quand même présente. Hein. Je crois qu'il y a deux télés et quelques radios. Hein. Et il y a même un ministre de l'information à l'époque. Certains auraient plutôt dit le ministre de la censure. Et à l'époque, le sommaire du journal... donc télévisé, était soumis au ministre de l'Information. Donc, c'était pas Alain Perfit, c'était Georges Gorz, hein, en 68, qui censurait et comme il attendait les sujets susceptibles de déplaire au gouvernement. Alors, il disposait d'un immeuble installé, d'après le calendrier, au 22e et dernier étage de la maison de la radio, qui a été inauguré en 1963. Alors, à l'époque, le calendrier enchaîné, qui de Gaulle appelait Volatile, on peut dire que c'était quasiment presque le seul journal d'opposition. Hein. À l'époque, le canard ne ressemblait pas du tout au canard qu'on trouve actuellement, parce que c'était plutôt, contrairement au canard enchaîné de nos jours, qui fait plutôt de la presse d'investigation, à l'époque, c'était plutôt... Il y a une rubrique qui était très connue à l'époque, qui s'appelait La Cour, qui était tenue par André Ribaud, qui était très bien écrite. Et c'était plutôt une rubrique de mœurs sur le genre de la cour de Louis XIV. Hein. Alors, sur les ondes, il existe un seul espace qui offre une liberté très relative. Les radios périphériques, dont les émetteurs sont installés dans les territoires limitrophes de la France. Donc, Radio Monte-Carlo à Monaco, Radio Luxembourg dans le Grand-Duché du même nom, Europe 1 dans la Sarre et Sud Radio Andorre. C'est un peu le Tour de France. Alors, début mai, ces stations sont les seules à couvrir en direct les manifs et les émeutes grâce à leur voiture radio. Cette situation leur permet de réaliser des records d'audience et leur vaut un retour les foudres du gouvernement, qui s'empresse de supprimer pour elle l'autorisation d'utiliser ce genre de véhicule. Et l'interdiction n'est levée que le 30 mai pour la contre-manifestation gaulliste. Donc on n'a jamais mieux servi que par soi-même. Et en même temps, en pleine flambée révolutionnaire, les radios périphériques savent châtier leur langage. Le slogan « De Gaulle assassin » lancé par les manifestants du 13 mai est ainsi traduit sur Europe 1 par un plus anonyme et moins risqué chef de l'État. Chef de l'État assassin. Dans le canard, à l'époque, se gondole. Alors j'ai même vu qu'un des leaders étudiants de l'époque, qui est d'ailleurs peut-être le seul resté avec l'esprit de mai 68, Jacques Sauvageau, dans une interview, il qualifiait De Gaulle de vieillard, et c'est une interview qui a été carrément censurée. Bon, donc on a comme fait quelques petits progrès depuis l'époque. En cas de besoin, le gouvernement ne se gêne pas pour les convoquer et leur remonter les bretelles. Donc les fameux patrons des stations de radio. En revanche, le couvercle posé sur la marmite ORTF vole vite en éclat. Le spectacle inouï le 16 mai, le pouvoir finit par accepter que la télé diffuse un débat avec trois représentants des étudiants contestataires, donc Sauvageau, Gessmar et Cohn-Bendit. L'ORTF en proie à la débauche, peut-on lire à l'époque d'Alcalá. Mais le lendemain du débat, un reportage sur la nuit des barricades réalisé par les journalistes Michel Norin, André Harris et Alain Sedoui est brutalement censuré. La réaction est immédiate. Journalistes et texiens se mettent en grève illimitée avec occupation des locaux. Donc, passé le mois de mai, la remise au pas est à la mesure de la panique qui a saisi l'État gaulliste. Une liste noire de dangereux agitateurs est établie par le gouvernement et 70 journalistes indésirables sont mis à la porte. L'aise ou lèche-majesté, c'est le seul choix qui s'offre aux gens de l'ORTF, résume le canard. Bon, voilà ce que. Je ne vais pas terminer l'article, mais c'est le plus intéressant. Voilà la liberté d'expression en France à l'époque. Ça, c'est pour commencer. Alors, je voulais parler pour commencer du grand philosophe de l'époque. Alors, je ne sais pas si tu le connais peut-être. Je pense pas, non, enfin, dis toujours. Qui était révélé par les étudiants de mai 68. Alors, il n'est pas très connu, mais il s'appelait, parce qu'il est mort depuis pas mal de temps, il s'appelait Herbert Marcuse. Et il avait publié en avril 68 un livre qui s'appelait « L'homme multidimensionnel ». Alors, quelques mots sur ce Herbert Marcuse, qui est un personnage que j'ai trouvé très intéressant, mais à chaque fois qu'on fait des commémorations, on ne parle jamais de ce personnage, ce qui est assez dommage. Alors, il était né en 1898, et je crois que c'est à 17 ans, il avait adhéré au SPD, avant de le quitter, à cause de l'attitude du SPD après l'assassinat de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, c'était à la fin de la guerre 14-18. Alors, par la suite, je vais passer un peu, il sera naturalisé américain. Il deviendra professeur d'université aux États-Unis dans les 50. Alors, en 55, il publie Eros et Civilisation. Et en 64, il écrit L'homme unidimensionnel. Je me suis trompé tout à l'heure, en plus, ça l'a fait bien. Qui paraît en France donc en avril 68 et qui devient un peu l'incarnation théorique de la nouvelle révolte étudiante. Donc, cette année-là, il voyage en Europe et tient de multiples conférences et discussions avec les étudiants. Il devient une sorte d'interprète théorique de la révolution et de la formation intellectuelle des étudiants. Donc il est mort en 79. Alors, j'extrais ces quelques lignes de Wikipédia. Contrairement à Freud qui voyait dans le principe de réalité la nécessité de la sublimation répressive des désirs, il faut suivre. Hein. En effet. Marcuse, à la suite de la lecture de Marx, dont il s'est fortement inspiré, dénonce l'inhumanité du principe de réalité répressif. qui n'est autre que le principe de réalité de la société en place. Il préconise au contraire l'éclosion des désirs, la transformation de la sexualité en eros, l'abolition du travail aliéné, l'avènement d'une science et d'une technique nouvelle, qui seront au service de l'être humain. Il ne remet pas en question l'essentiel des théories freudiennes, il les complète plutôt en les adaptant à son temps et en libérant d'une certaine conception bourgeoise de la société pour les rendre émancipatrices et véritablement universelles. En revanche, il critique le révisionnisme néo-freudien qui tend à édulcorer le caractère subversif des découvertes de Freud. Marcus va néanmoins beaucoup plus loin que Freud lorsqu'il tente de penser une sublimation non répressive. Marcuse est important pour les mouvements écologistes aujourd'hui car il fut l'un des rares à penser qu'une société non répressive impliquait aussi un changement dans les techniques, là où Marx pensait qu'un changement dans les rapports de production était suffisant. Alors, la répression du désir inhérente à toute culture est allée au-delà du nécessaire pour répondre à de faux besoins. Elle engendre une surrépression qui réveille, accumule et détourne la destructivité des hommes et donne ainsi au principe de Nirvana une dimension mortifère qui menace l'humanité tout entière. Ah, c'est quand même assez troublant, hein, parce que ça redonne assez curieusement ce qu'on vit actuellement. Hein. Oui, en effet, je suis d'accord avec toi. Alors, je vais continuer toujours avec son livre « L'homme unidimensionnel » qui était publié en 1964, qui veut démontrer le caractère inégalitaire et totalitaire du capitalisme, des Trente Glorieuses. Or, ce n'est pas vraiment l'histoire qu'on entend d'habitude. Ces affirmations lui valurent des critiques, notamment celles qui proclameraient la tolérance envers toutes les opinions, sauf les opinions qui perpétuent la servitude. Malmène l'autonomie au profit du status quo répressif et protège la machine de discrimination qui est déjà en service. Pour Marcuse, la tolérance envers les idées qui servent le système de domination et d'oppression est une dénaturation du concept de tolérance. Il oppose la vraie tolérance qui est nécessairement émancipatrice à une perversion opportuniste de l'idée de tolérance qu'il qualifie de tolérance répressive. Selon Marcuse, c'est la tolérance répressive qui a autorisé la prise du pouvoir par le parti nazi en Allemagne. Pardon. Pour Marcuse, une des réalisations de la civilisation industrielle avancée, la régression non-terroriste et démocratique de la liberté. La non-liberté efficace, lisse, raisonnable, qui semble plonger ses racines dans le progrès technique même. C'est assez incroyable de lire ces propos, parce que c'est exactement ce qui se passe maintenant. Hein. Et quand on... Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce sondage qui nous expliquait qu'en gros, il y a, presque la moitié des Français qui ont presque une préférence pour un régime un peu, on va dire, à poignard. Non, je n'ai pas vraiment eu vent de ce sondage. Voilà, c'est bien vu de sa part quand même. Alors, on se fait une pause musicale pour commencer. La première. Je ne sais pas si tu l'as trouvée. Si, bien sûr, Jean-Michel Karadec, mai 68. Est-ce que tu connais cette chanson, non? Pas du tout, du moins, peut-être qu'en l'écoutant, je me dis, oui, mais sinon... Tu connais peut-être le chanteur? Pas spécialement, non. Alors, c'est une des plus belles chansons en langue française que je connaisse, hein. Je peux pas dire autrement. Bon, dans ce cas, on s'écoute mai 68 de Jean-Michel Karadec et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. La branche a cru denter ses feuilles, mais l'arbre éclate de colère. Ce soir que montent les clameurs, le vent a des souffles nouveaux au royaume de France. Le peintre est monté sur les pierres, on l'a jeté par la frontière, je crois qu'il s'appelait Julio. Tout le monde peut pas s'appeler Pablo. royaume de France. Et le sang des gars de Nanterre a fait l'amour avec la terre et fait fleurir les oripeaux. Le sang est couleur du drapeau, royaume de France. Et plus on viole la Sorbonne, plus Truchot ressemble à Charonne, plus Beaujon ressemble à Dachau. Et moins nous courberons le dos au royaume de France. Perché sur une barricade, l'oiseau chantait sous les grenades. Son chant de folie était beau et fou les enfants de Rimbaud au royaume de France. La branche a cru dompter ses feuilles, mais elle emportera le deuil et l'emportera au tombeau. L'automne fera pas de cadeau au royaume de France. Ah, c'était Jean-Michel Karadec. À chaque fois que j'écoute cette chanson, j'ai toujours des frissons. Hein. Un des grands auteurs à texte des années 70, mort tragiquement en 81, à 35 ans. 81 d'ailleurs, c'est l'année de naissance de la radio, si je ne me trompe pas. Ouais. Alors, j'ai jamais compris pourquoi on n'entendait jamais sur les antennes de Radio Gamozo, même quelques anciens, et pas jamais, le pas jamais. Hein. C'est assez étrange. Ça m'a toujours étonné, mais enfin bon. Alors, il paraît que... Oui, certains le trouvent pas assez politique, on va la preuve que non. Hein. Il a plein d'autres superbes chansons. Oui, en effet. Mais il a une histoire assez intéressante, puisqu'il était destiné en 68 à une belle carrière dans une grande école. Je ne sais plus si c'était pas l'école normale supérieure. Et sont arrivés les événements de mai, et puis là, ça l'a tellement marqué qu'il a complètement changé ce qu'il voulait faire. Voilà, ben. Un virage en 180 degrés, il est devenu chanteur. Un très bon chanteur à texte. Il a fait aussi pas mal de chansons pour les enfants. Oui. C'était aussi un chanteur de la Bretagne, hein, qu'il aimait éperdument. Moi, je pense qu'on le repassera une autre fois. Oh oui, certainement. Je pense qu'il y a une première fois à tout. Donc oui, on pensera à passer un petit peu plus souvent du Jean-Michel Karadec à l'antenne. Ouais, bah c'est un peu dommage qu'on l'entende plus sur les radios, mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, autre figure de mai 68, et pas n'importe laquelle, je pense que peut-être le nom te dira peut-être quelque chose, société de consommation, ou plutôt du spectacle. Spectacle et société de consommation, toujours français ? Ouais. Coluche ? Non, pas vraiment, non. Tu connais peut-être Guy Debord ? Non, la réponse D. Voilà, ben en fait, il nous expliquait à l'époque qu'en fait, ouvrir une société capitaliste, on ne vit pas vraiment sa vie, on vit la vie par une sorte de procuration, toujours dans le spectacle. Hein. Un peu comme le. On a un peu partout hein, des gens qui ne vivent pas leur vie, qui vont. D'ailleurs, il y a un beau match de foot ce soir, donc on aura un peu tous ces gens qui sont dans la société du spectacle, hein, en plein dedans. Hein. Alors, d'après lui, la société du spectacle était toujours une critique radicale de la marchandise et de sa domination sur la vie. Et voit dans la forme particulière de l'aliénation l'aliénation par la société de consommation. Le concept de spectacle se réfère à un mode de reproduction de la société fondé sur la reproduction des marchandises toujours plus nombreuses et toujours plus rentables dans leur variété. Il prône une mise en acte de la conscience qu'on a de sa propre vie envers une illusoire pseudo-vie que nous impose la société capitaliste, particulièrement depuis 1945. Alors, bah, méditer pour ceux qui ont les yeux rivés sur un smartphone à longueur de journée, ou qui par de sujets complètement inintéressants qui sont pris en plein dans la société de consommation aussi. Alors son livre, à l'époque, décortiquait le processus d'individuation dans la société post-industrielle alors naissante. Il est décrit l'évolution de la pratique de séparation comme dispositif économique capitaliste. Comme depuis l'introduction des chaînes de montage où le travailleur est séparé de ce qu'il produit, la société libérale marchande depuis les années 1950 produit le sujet consommateur en tant qu'être séparé de ses véritables désirs par diverses industries socioculturelles. Donc ce dont je parlais juste à l'instant, cinéma, télévision, etc. Donc, par exemple, le foot, qui est un peu le, pour paraphraser Marc, un peu l'opium du peuple actuel. Alors, les stéréotypes du jeune branché ou du jeune rebelle deviennent des modèles de comportement à suivre, faisant de notre volonté de se montrer à l'autre un pastiche, une reproduction consommable interchangeable. Il écrivait, le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre les personnes médiatisées par les images. Elle soutenait, dans son premier chapitre, que la direction immanente du spectacle en est aussi le but, et qu'ainsi, au fur et à mesure de son application, elle se justifie elle-même de manière exponentielle. Le spectacle est le stade achevé du capitalisme, il est un pendant concret de l'organisation de la marchandise. Le spectacle est une idéologie économique, en ce sens que la société contemporaine légitime l'universalité d'une vision unique de la vie en l'imposant au sens et à la conscience de tous. Il y a une sphère de manifestation audiovisuelle, bureaucratique, politique, économique, toutes solidaires les unes des autres. Ceci afin de maintenir la reproduction du pouvoir et de l'aliénation, la perte du vivant de la vie. Or, entre Marcuse et Debord, on peut dire qu'il y a la même analyse de la société, mais surtout ils ont puisé une partie de leur œuvre dans l'œuvre de Marx. Hein. Avec l'œuvre de Marcuse un peu plus réaliste, un peu plus humaine. Alors, il a écrit une suite en 88. Alors, il décrit depuis 68 l'évolution de la société spectaculaire en ceci que ses rapports marchands se sont totalement fondus de la société à tel point qu'ils sont devenus systématiques. Il l'a décrit en tant que combinaison de deux formes précédentes selon le terme spectaculaire intégré. Alors, j'ai trouvé ce petit commentaire sur l'œuvre de Guy Debord sur Wikipédia. Alors, qui écrivait en 90 à propos de Guy Debord, l'aspect sans doute le plus inquiétant des livres de Debord tient à l'acharnement avec lequel l'histoire semble s'être appliquée à confirmer ses analyses. Non seulement 20 ans après la société du spectacle, les commentaires de la société sur la société du spectacle ont pu enregistrer tous les domaines d'exactitude des diagnostics et des prévisions, mais entre-temps, le cours des événements s'est accéléré partout si uniformément dans la même direction qu'à 2 ans à peine de la sortie du livre, il semble que la politique mondiale ne soit plus aujourd'hui qu'une mise en scène parodique du scénario que celui-ci contenait. L'unification substantielle du spectacle concentré et du spectacle diffus, spectacle diffus, c'est les démocraties occidentales, opposées aux sociétés populaires de l'Est, le spectacle concentré, dans un spectacle intégré qui constitue une unité centrale des commentaires. Le bon nombre ont trouvé à l'époque paradoxal s'avère à présent une évidence triviale. Et je termine. Les murs inébranlables et les fers qui divisent les deux mondes furent brisés en quelques jours. Afin que le spectacle intégré puisse se réaliser pleinement également dans leur pays, les gouvernements de l'Est ont abandonné le parti léniniste, tout comme ceux de l'Ouest avaient renoncé depuis longtemps à l'équilibre des pouvoirs et à la liberté réelle de pensée et de communication, au nom de la machine électorale. Alors, il a basé une partie de son œuvre aussi sur une émission que j'ai faite il y a, au début, enfin, il y a j'ai un petit moment, c'est sur la propagande. Alors, je ne vais pas revenir dessus. Mais on voit que ce qu'il a noté en 88, 30 ans plus tard, c'est encore pire. Hein. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. Après, bon, c'est étonnant qu'il y en a qui deviennent, comment dirais-je, assez dingos pour commettre des attentats. En créant l'Akbar, bon, voilà, c'est un peu le, je pense, le résultat de la, du vide, vide existentiel de la société, de, du spectacle et de la consommation. Bah, c'est le résultat de plein de choses, mais je pense que ça peut être le sujet d'une autre émission, l'extrémisme sous toutes ses formes. Plutôt, je pense que je ferais plutôt une émission sur la, la religion. Bah, ça peut aussi être intéressant, mais après, en soi, hein, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a d'autres formes d'extrémisme, des personnes en tout cas avec qui on peut difficilement discuter, mais ce n'est pas trop le sujet. Mais bon, par exemple, il y a certains véganes, je pense que tu sais ce que c'est les véganes. Oui, oui. Et aussi parfois des féministes, mais il y en a d'autres aussi, même certains masculinistes, bien entendu, qui... Mais il y a de toute façon partout où qu'on aille, il y a des gens qui sont fermés à toute discussion et qui ne voient que par le prisme de leurs croyances. Donc après, ça rejoint un petit peu ta potentielle émission sur la religion. Si tu veux, la religion, c'est une forme, c'est une communauté, hein, on dit de communauté religieuse, mais des religions, si tu veux, il y en a plein. Hein. Ceux qui sont dans la stade de foot, qui sont tous supporters d'un club, c'est une forme de religion aussi. Oui, bien entendu. Bon, on va pas leur dire ça, parce que certains n'accepteront même pas l'idée, mais pourtant c'est la vérité. Ah, on va se faire une autre pause musicale, je pense. Allez hop, une deuxième, et tu as proposé Mai 6-8 de David Vincent et ses mutants. Voilà, on ne va pas la rater, on est celle-là. Bah non, bah écoute, on s'écoute cette pause musicale et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. En espérant que ça se lance assez vite. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs, au moment où je vous chante cette chanson, le constat est plutôt joyeux. Tout dépend d'où t'as planqué ton pognon. Ils voudraient nous faire gober tous ces curés, rentiers, milliardaires. Le capital, c'est la santé. Et que ça désespère des momos grabataires. Et que ça s'accélère le grand bond vers l'arrière. Et pourtant, le chien lit, c'est comme le chien dent, ça repousse forcément un moment. Y'a beau couper, c'est provisoire, tant qu'il y a du noir, y'a de l'espoir. Les vieux principes du 16e siècle et toute leur vieille tradition débile, la cinglerie concurrentielle, ça fait baver ceux qui ne pensent que mercantile. Nous, ça nous bouffe la cervelle avec des crédits sur le dos. La pub nous sourit, la vie est belle. Faut juste bosser plus pour crever au boulot. Consommer plus, c'est pivoter des sarcos. Et pourtant. La chienlit, c'est comme le chien dent, ça repousse forcément un moment. Y'a beau couper, c'est provisoire, tant qu'il y a du noir, y'a de l'espoir. Je vais pas faire un inventaire de toutes les saloperies qui se passent aujourd'hui. Le retour des réactionnaires, c'est l'ancien régime coupé à l'oligie. Présidentielle, de campagne, de meeting, d'engala, suffirait d'une étincelle pour que ça pète un bon coup. Et pourquoi que ça pète pas les lunettes à carlaque, cache le pouvoir d'achat, c'est pour ça. Et pourtant, La chienlit, c'est comme le chien d'or, ça repousse forcément un moment. Y'a beaucoup de c'est provisoire, tant qu'il y a du noir, y'a de l'espoir. C'est vrai que ça paraît bien loin 68. Temps qui passe, faut pas s'y fier. Il se pourrait qu'un jour à nouveau y ait des fuites. Qu'on est riche des barricades. Une fois pour toutes, on fout tout ça en l'air. Ça sera l'ultime estocade. Pas vu dans la gueule des bourgeois actionnaires. À cette clique de brigands, joyeux anniversaire. Souffle toujours et encore, ploum ploum tralala, Sarkozy tête mort. Voilà, de retour sur l'antenne de Radio Gemozo où on parle toujours de mai 68. Oui. Alors, on écoutait David Vincent et ça c'était en 2008, donc ça n'a toujours pas pété depuis 10 ans. Attends, peut-être qu'on va attendre encore 50 ans, on sait pas. Qui sait ? Et comme le disait Jacques Sauvageau, qui est décédé il n'y a pas longtemps, des figures de mai 68, il disait « Nos jours, il n'y a plus personne qui critique le capitalisme. » Parce qu'à l'époque, impossible de ne pas critiquer. Hein. Même à droite, on doit entendre des critiques. C'est à dire si on a changé d'époque. Alors, peut-être que un jour, certains politiciens feront une petite critique, on peut l'espérer. Qui sait ? Alors, je vais parler maintenant de l'état de la France à cette époque-là, parce que 68, c'est aussi l'année 60, et l'année 60, c'est pas une décennie tout à fait comme les autres, faut bien le dire. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas d'anciens de la radio, parce qu'ils auraient pu nous en parler. Oui, ça aurait été intéressant. Voilà. Alors, ça ressemblait quoi la France à cette époque-là ? Alors, j'ai un numéro de l'Alternative économique. C'est pas que je lise beaucoup ce journal, mais il y avait un numéro, enfin, beaucoup d'articles sur 68. Alors, par exemple, des revenus des Français en mai 68. Alors, ils écrivent « La France de 2018 est beaucoup moins inégalitaire que celle de 1968. » Ce que j'ai presque envie de dire, c'est le contraire de ce qu'on pourra entendre un peu partout. Contrairement à une vision enchantée du progrès, les 20 années de croissance qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale sont marquées par une forte progression des écarts de revenus. La France qui s'enrichit est d'abord la France qui va bien, celle des cadres. La pauvreté demeure massive. Plusieurs dizaines de milliers de personnes vivent dans d'immenses bidonvilles d'Île-de-France. Mais 68 était aussi une révolte contre l'accaparement des revenus par une minorité. Bon, ça, je vais en parler après. Les années 70, c'est le début des 1980 où la mise en œuvre de politiques sociales de l'élévation du salaire minimum aux allocations logement, qui réduisent considérablement les écarts de niveau de vie. En 1970, le seuil des 10% les plus riches était 4,5 fois plus élevé après impôts et prestations sociales que le seuil des 10% les plus pauvres. En 1984, ce rapport n'est plus que de 3,3. Mais ce moment fort de solidarité de notre histoire ne durera pas. À partir de 1990, l'explosion du chômage dégrade le rapport de force sur le marché du travail. La démographie aggrave les choses. La progression des ruptures familiales fait que de plus en plus de femmes élèvent seuls leurs enfants. Les inégalités reprennent leur progression et la crise de 2008 rend la situation encore plus difficile. Donc ils nous écrivent, il faut se méfier des anachronismes. La France de 2018 est beaucoup plus protectrice que celle de 1968. Les Français sont bien mieux soignés et éduqués, les transports publics ont été modernisés. On supporte beaucoup moins de voir la misère dans les rues. Mais comme en 1968, la France d'aujourd'hui est marquée par une forte progression des inégalités de revenus et de niveau de vie. La grande différence est que nous sommes plus dans un régime de croissance, nous ne sommes plus dans un régime de croissance, pardon, comme dans les 1960 où la situation des plus démunis s'améliorait. À partir de la fin des années 2000, on voit pour la première fois les niveaux de vie des plus pauvres baisser et des plus riches s'enrichir. Cette évolution nourrit de très fortes tensions sociales. Et un chiffre pour en rappeler, 5 millions de pauvres, c'est-à-dire 50% du revenu médian en 2015, autant qu'en 1968. Mais la population a augmenté depuis 1968 de 30%. Donc, casser une idée reçue, c'était pas forcément mieux à l'époque. Alors, autre chiffre, par exemple, deux fois plus de prestations sociales de nos jours qu'en 1968. Alors, en pourcentage du PIB, on est passé à presque 25% actuellement, alors qu'on était vers 12,5% en 1968. Et les dépenses de santé sont beaucoup plus importantes, puisqu'on a aux alentours de 11% contre à peine plus de 5% à l'époque. Bon, faut quand même se méfier des dépenses de santé, c'est pas parce qu'elles sont conséquentes de PIB qu'on est forcément en meilleure santé. Le cas des États-Unis qui sont là, qui ont les dépenses de santé les plus élevées au monde dans le PIB. Pourtant, ils sont un système de santé assez catastrophique. Oui. Alors, tiens, un article qui va t'intéresser. Au foyer. Tu vois qui c'est, qui ça concerne? Eh bien, les femmes de moins de 50 ans, du moins, ça c'était en mai 68. Alors, ils écrivent, à l'époque, 80% du temps de travail domestique sont assumés par les femmes, contre 63% aujourd'hui. Des tâches rendues un peu moins pénibles que leurs aînés grâce au développement de l'électroménager, la machine à laver en premier lieu. Beaucoup de femmes ne cumulent pas encore cette tâche avec travail à l'extérieur de leur maison, même si l'emploi féminin se développe. Il est vrai que les épouses n'ont pas le droit de conclure un contrat de travail sans l'autorisation de leur mari que depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis 1966. C'était il y a 50 ans. Oui. Idem d'ailleurs pour l'ouverture d'un compte en banque, et le premier texte qui prévoit le principe à travail égal, salaire égal, ne sera adopté qu'en 1972. Pendant ce temps, le temps de formation des femmes ne cesse de monter. En 1964, pour la première fois, les bachelières ont été plus nombreuses que les bacheliers. Même face à leur progéniture, les femmes ne sont pas encore les égales juridiques des hommes, la veille de mai 68. C'est toujours le père qui détient l'autorité dans la famille. Une mère ne peut pas, par exemple, traverser une frontière avec ses enfants sans son autorisation écrite. Il faut attendre 1970 pour que la loi instaure l'autorité parentale. Au rang des conquêtes féminines, encore toutes fraîches à la fin des années 1960, la contraception. Elle a été autorisée en 1967 par la loi Neuwirth. Mais les décrets d'application qui permettent la mise en œuvre du texte vont traîner encore quelques années. Il faudra attendre 1975 pour qu'au terme de débats très violents au Parlement et dans l'opinion, la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse soit adoptée. Donc c'était il y a 50 ans, un peu de mal à... Si on n'avait pas 20 ans à l'époque, on a du mal à réaliser ça quand même. Oui, bien sûr. Ah, bah tiens, je vais parler du plein emploi maintenant. Alors, démolir aussi notre idée reçue. Moi, j'ai déjà parlé de notre mission, la fameuse plein d'emplois qui, en fait, quelque part, n'a jamais existé. La différence la plus spectaculaire entre 1968 et aujourd'hui sur le marché du travail concerne la place que les femmes y occupent. Il y a 50 ans, quasiment deux fois moins de femmes que d'hommes occupaient un emploi. Aujourd'hui, ce ratio dépasse les 90%. Une quasi-parité, bien qu'on soit encore très loin de l'égalité homme-femme dans la sphère professionnelle en matière de rémunération, ou de responsabilité. La quasi-totalité des emplois supplémentaires créés a été occupée par des personnes de sexe féminin. On ne compte aujourd'hui qu'un million d'hommes de plus en emploi qu'en 1968, contre presque 6 millions de femmes supplémentaires. Cette entrée massive des femmes sur le marché du travail s'est traduite par un accroissement spectaculaire de la population dite active. Elle est passée de 20,2 millions de personnes en 1968 à 29,6 millions en 2016. Une hausse de presque la moitié. Face à cet afflux de main-d'œuvre potentielle, l'économie n'a pas été capable de suivre et de créer suffisamment d'emplois supplémentaires. Du fait du ralentissement prolongé de la croissance économique et des crises récurrentes. D'où une autre différence de taille entre 1968 et aujourd'hui. L'apparition du chômage de masse. On est passé d'un taux de chômage de 2,6%, soit un quasi plein emploi, à 8,9%. Et depuis maintenant 35 ans, le chômage aussi autour de ce niveau. Par exemple, à mesure que la file d'attente au chômage s'est allongée, les conditions d'emploi se sont dégradées. Il y a 50 ans, les contrats à durée déterminée n'existaient pas. Ils ont été créés en 1979. Quant à l'intérim ou temps partiel, ils étaient marginaux. Aujourd'hui, 9,2% des personnes en emploi sont en CDD et 2,3% en intérim. Une proportion qui grimpe respectivement à 31% et à 7% pour les jeunes de 15 à 24 ans. Quant au temps partiel, il concerne désormais 30% des femmes en emploi contre 8% des hommes. La sécurité de l'emploi ne prévalait en 1968 qui prévalait en 1968, ne signifie pas pour autant que les salariés restaient à vie au sein d'une même entreprise. Au contraire, le plein emploi rendait possible une forte mobilité des travailleurs. Quitter un employeur était peu risqué si le nouveau ne convenait pas. On n'avait aucun mal à en trouver un troisième. A l'inverse, c'est le chômage de masse qui a eu tendance à figer les structures économiques et à pousser la création de multiples statuts précaires pour répondre quand même aux besoins de flexibilité des entreprises. Cette pression du chômage s'est également traduite par une baisse sensible de la part des salaires dans la richesse produite. En 1968, il représentait 69% de la valeur ajoutée des sociétés non financières. Et en 2016, il n'en représentait plus que 66%, alors que ce taux a remonté de 3 points depuis le test de 2008. Les indépendants pesaient 21% de l'emploi en 1970 et étaient tombés à 9% en 2008, avant de remonter à 12% en 2016. Et entre 1968 et aujourd'hui, on comptait à l'époque près de deux fois plus de travailleurs indépendants, donc artisans, commerçants, agriculteurs pour l'essentiel, dans une société de plus en plus capitaliste. Alors, ça démolit un peu les idées reçues qu'on a sur la France de l'époque. Elle n'était peut-être pas aussi belle qu'on pouvait le dire. Alors, qu'est-ce qui marque aussi 1968? Eh bien, c'est la possession matérielle aussi. On veut dire les choses comme elles sont. Autre chiffre donné par valeur alternative économique. Entre le milieu des années 50 et 1968. Alors, une automobile chez les employés vers le milieu des années 50 était quand même assez rare, puisque seuls 18% des employés et 8% des ouvriers pouvaient se la en payer. Et ce chiffre dépasse 60% en 1968. Alors, pour la télévision, alors là, c'est encore assez incroyable. Milieu des années 50, c'est aux alentours de 1% pour les employés et les ouvriers, et en 1968, on a 71%. Un réfrigérateur, vers le milieu des années 50, c'est aux alentours de 9-10% pour les employés et un peu plus de 3% pour les ouvriers. Et ça dépasse les 80% pour les deux catégories en 1968. Alors, pour une machine à laver, qui apparemment devait coûter un peu plus cher, vers le milieu des années 50, on est autour de 7%. Et en 1968, on a 60% pour les ouvriers, presque 55% pour les employés. Alors, on voit que la société des consommations s'est plutôt mise en place dans les années 60. Hein. Comme quoi, c'était pas une décennie comme les autres. Alors, vous allez me dire aussi, mais pourquoi il y a eu une révolte en 68 si tout allait bien? Alors, tu connais certainement le slogan « Mettre au boulot dodo ». Oui, bien sûr. A effet Florès en mai 68. Les ouvriers d'industrie, de plus en plus nombreux, leur nombre culmine à 8,2 millions en 1975, voient en effet leur travail se transformer dans les usines taylorisées. 55% des ouvriers sont des manœuvres ou des OS, ouvriers spécialisés, mais dans une tâche simple et répétitive, dont l'archétype est l'ouvrier du travail à la chaîne. 22% des ouvriers sont des ouvrières et 80% sont des OS. Leurs conditions de travail se sont souvent dégradées. La durée moyenne du travail reste à un haut niveau, 45 heures en moyenne par semaine. Mais surtout, le travail posté alternant équipe du matin et du soir s'est répandu. Il concerne le quart des ouvriers et des ouvrières en 1970 et même 47% dans l'industrie textile, 66% dans l'industrie mécanique. Face aux nuisances de travail en 2x8 ou 3x8, à la saleté, au bruit, aux lésions musculaires et articulaires, le patronat ne propose que des batteries de primaire. Ne sent pas la transformation souterraine des mentalités. Aux revendications quantitatives concernant les salaires et le temps de travail, s'ajoutent des revendications qualitatives, portant sur les conditions et l'ambiance de travail. Beaucoup de jeunes ouvriers ne supportent pas l'autoritarisme, voire le mépris des petits chefs d'atelier. Un syndicat porte ses revendications depuis sa fondation en 1964, la CFDT, dont beaucoup de jeunes militants rejoignent les étudiants en mai 68. Bon, c'est un syndicat, personnellement, je trouve qu'il a un peu mal tourné depuis. Voilà, c'était histoire de rappeler aussi ça, que c'est arrivé, c'est que le gaullisme n'était pas aussi rose qu'on vient de le dire. Oui, en effet. Alors, on se fait une pause musicale, la dernière. Allez, hop, et tu as proposé Paris Mai de Claude Nougaro. Écoute, on s'écoute ça. Et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Casque des pavés ne bouge plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendit. Et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume. Mon pas d'oiseau forçat enchaîné à sa plume. Et piochant les passions d'un rossignol titan, capable d'assurer le sacre du printemps. Bé, bé, bé, Paris, bé, bé, bé, bé, Paris. Ces temps-ci, je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre. Le sacre du printemps sonne comme un massacre. Mais chaque jour qui vient embellira mon cri. Il se peut que je couve un Igor Stravinsky. Paris. Et je te prends Paris dans mes bras pleins de zèle. Sur ma poitrine, je presse tes pierreries. Je dépose l'aurore sur tes tuileries, comme rose sur le lit d'une demoiselle. Je survole à midi tes 6 millions de types. Ta fille a ras-le-bol, me filera des tripes. J'avale tes quartiers aux couleurs de pigeons, intelligence blanche et grise religion. Je repère en passant Hugo dans la Sorbonne et l'odeur d'eau de vie de la vieille bonbonne. Aux lisières du soir, mi-manne, mi-mendiant, je plonge vers un pont où penche un étudiant. Alors, on n'écoutera pas tout parce que ça dure un petit peu longtemps. Alors, pour la dernière partie de l'émission, j'ai gardé une partie un peu jouissive, on va dire. Ouais. Alors, est-ce que l'an 1 te dit quelque chose ? Laura ? L'an 1. L'an 1. Mis à part la naissance de Jésus-Christ, non, pas grand-chose. Tu connais pas le slogan, on a tout réfléchi et c'est pas triste ? Non, des seuls que je connais, il y a Métro Boulot Dodo et puis Sous les palvés, la plage, et je crois que c'est les deux seuls que je connais. C'est pas un slogan, ça c'est une BD. Alors, qui a fortement marqué les années 70. Alors, et si un jour on mettait notre réveil à 5 heures, juste pour rire, pour faire comme si on était avant? Et si on se marrait tellement qu'on aurait une envie folle de faire l'amour? Et si plutôt de train tous les matins, on décidait de prendre le suivant, voire de ne plus le prendre du tout? Et si on stoppait les machines pour prendre le temps de lire Platon? On discuterait, voir où on en est, et on imaginerait avec calme et liberté quelle forme on peut donner à la suite des événements. Voilà le programme de l'an 1. Alors l'an 1, c'était une BD qui était dessinée par GB. Alors, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Non, c'est, pas du tout. Un des dessinateurs historiques de Charlie Hebdo, qui est mort en 2004. Alors le slogan de l'an 1, c'était « On a... » Enfin, les trois principes, plutôt, on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Alors, il se trouve que ce que je savais pas, c'est que. Il y a Jacques Higelin qui est mort il y a pas longtemps, et il se trouve qu'il a. Je savais pas qu'il est tourné dans un film qui s'appelait L'An 1. Effectivement, il y a eu un film qui était tiré de cette BD. Alors, qui était réalisé par Jacques Doyon, qui s'est sorti en 73. Avec une belle affiche. Donc Gérard Depardieu, Romain Bouteille, Coluche, Miu Miu, Daniel Prévost, Gérard Jugnot, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Professeur Choron, Gottlieb, Cabu, Kevana, GB, François Béranger et aussi, donc j'en parlais, Jacques Higelin. Et aussi Alain René et Jean Rouch, j'en passe d'autres. Hein. Une belle affiche. Alors, c'est plus triste de savoir ce que sont devenus certains, comme Christian Clavier ou Thierry Lhermitte. Plutôt des... Finis comme des bourgeois qui pensent plutôt à savoir ce qu'on leur rapportait leur rente. Alors, ces trois mots d'ordre sont « on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste ». Les plus anciens se souviendront de quelques scènes inoubliables. La dernière coulée d'acier, la dernière classe à l'école, les gens qui se parlent et s'embrassent. Et puis le clou. Ces milliers de personnes qui jettent les clés de leur maison par les fenêtres. On n'est plus propriétaire de rien, mais usagers, plus besoin de voler ni de se claquemurer. Alors, la première résolution que prenait l'an 1 est celle qui effraie le plus tout bon productiviste. On arrête tout. Donc, mardi 15h, on arrête tout. Tel est le mot d'ordre qui se répand en France. Chez les banlieusards qui laissent passer un train, puis deux, puis trois, puis tous. Chez les ouvriers de la raffinerie qui ont décidé d'apprendre la musique. J'ai les jeunes hippies qui défilent devant l'Arc de Triomphe, ayant arrêté la circulation sur la place de l'Étoile et des Champs-Élysées, en scandant « Des vélos, pas d'auto ». À 14h30, ce mardi, le ministre de l'Intérieur prend au sérieux cette épidémie de démobilisation, au point de faire diffuser un message à la télévision et à la radio « Français, Françaises, ressaisissez-vous ». Allez, c'est fini, on tourne la page. Alors ça, c'était le premier principe. Et la deuxième révolution de l'an 1, donc après un premier temps d'arrêt total, ne seront ranimés avec réticence que les services et productions dont le manque se révélera intolérable. Et pour terminer, la troisième résolution, les individus ne consentent plus à déléguer leur pouvoir. Toutes les formes d'autorité ainsi que les hiérarchies de toute nature perdront leur emprise avec leur raison d'être très naturellement. GB ajoutait : on s'était donné 10 ans, en réalité 5 ont suffi. Le plus long était de choisir ce qu'il fallait apprendre en priorité. Parce que toute la première année y est passée. Après ça, c'était très vite. Vous avez des milliards de cerveaux qui fonctionnent à plein régime, en liaison permanente, vidés de tout rembourrage de crâne. Ça ne s'était jamais produit, ça ne pouvait pas se produire autrement qu'en s'y prenant comme on a fait, en l'arrêtant tout au même moment. Enfin, moi, ça me fait rêver, ce truc-là. J'ose pas le dire, mais... Ah, l'utopie, c'est ce qui nous manque à nos jours. Quelle triste époque, quand même. Oui. Comme quoi, il y avait 168, c'était quand même beaucoup. Alors, ben, il nous reste quelques minutes. Oh, ça fait rien si je dépasse. Hein. J'ai gardé les deux meilleures choses pour la fin, c'est-à-dire l'an 1 et le slogan. Ben, j'en ai beaucoup. Hein. Il y en a certains qui ne sont pas très connus. Alors, participer au balayage, il n'y a pas de bonne ici. Pour le répéter à ta sœur. Si vous pensez aux autres, les autres penseront pour vous. Si le besoin était de recourir à la force, ne restez pas au milieu. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Je pense que ça, on devrait le mettre au-dessus de toutes les écoles. Oui, certainement. Mais c'est pas le cas. Bon, on va peut-être le faire. On est deux à le faire, non? Oui, ou peut-être plus, hein. Les auditeurs, même s'ils ne réagissent pas, ils sont quand même là, ils nous écoutent. On pourra faire un comité pour refaire l'an 1. Donc, l'art est mort, ne consommez pas son cadavre. Amnesty, acte par lequel les souverains pardonnent le plus souvent les injustices qu'ils ont commises, qui est quand même pas fou. Seule la vérité est révolutionnaire. Alors ça, je ne sais pas si c'était de mai 68, c'était peut-être d'avance. La forêt précède l'homme, le désert le suit. Bon, ça, c'est pas de 68, c'est une citation de je ne sais plus qui. Consommez plus pour vivre moins. Alors déjà, prenez la décroissance à l'époque. Oui. Ceux qui font des révolutions à moitié ne font que creuser leur tombeau. Ce qui est tout à fait exact. Un bon maître, nous en aurons dès que chacun sera le sien. L'agresseur n'est pas celui qui se révolte, mais celui qui réprime. Ce n'est pas les zadistes qui diront le contraire. Je suis marxiste, tendance Groucho. Maintenant que j'aime bien aussi, c'est « Je rêve d'être un imbécile heureux ». C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'imbéciles heureux. Oui. Je participe, tu participes, il profite. Ils pourront couper les fleurs, ils n'empêcheront pas la venue du printemps. Bon, pour l'instant, ils ont réussi, mais peut-être que ça va changer. Hein. Il est douloureux de subir les chefs, il est encore plus stupide de les choisir. Du bon sens. L'homme n'est pas stupide ou intelligent, il est libre ou il ne l'est pas. L'homme n'est ni le sauvage de Rousseau, ni le pervers de La Rochefoucauld. Alors, j'ai pas lu La Rochefoucauld, donc je suis un peu... Oh, moi non plus, tu sais. Alors, je termine avec ce slogan. Il est violent quand on l'opprime, et il est doux quand il est libre. Je suis tout à fait d'accord. Notre espoir ne peut pas venir que des sans-espoirs. Ouais, c'est vrai que le désespoir fait vivre aussi des fois. Le nihilisme commence par soi-même. Ne nous attardons pas au spectacle de la contestation, mais à la contestation du spectacle. Alors, peut-être qu'il est de mort, celui-là, je ne sais pas. Ne changeons pas d'employeur, changeons l'emploi de la vie. Alors, ça, c'est le rein, tout craché. L'émotion tue l'émotion. Ça sent le véhicule. Hein. La mort est nécessairement une contre-révolution. Mettre au boulot dodo, mais go zéro. Apparemment, c'est le slogan en entier. D'accord, mais je ne le connaissais pas. Comme quoi, les jeunes font l'amour, les vieux des jeux stop scène. On en profite pour saluer tous les vieux qui nous écoutent. Hein, si on a. Une pensée qui stagne est une pensée qui meurt. Oubliez tout ce que vous avez appris, commencez à rêver. On pourrait le garder pour une prochaine manif, celui-là. L'obéissance commence par la conscience et la conscience par la désobéissance. Le sacré, voilà l'ennemi. Tout ce qui est discutable est à discuter. La marchandise est l'opium du peuple. Alors toujours la trace de Bert Marcuse. Nous ne voulons pas d'un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s'échange contre celle de mourir d'ennui. Alors ça, soit en 68, moi 50 ans, c'est, après c'est encore pire. Hein. Oui. Les armes de la critique passent par la critique des armes. L'économie est malade, qu'elle crève. C'est un peu brutal, mais c'est pas, je suis pas forcément contre. Hein. Céder un peu, c'est capituler beaucoup. Oh, on peut transmettre à certains politiques, à certains syndicats. Ah, j'aime bien celui-là. La barricade ferme la rue, mais ouvre la voie. Oui. Dans les chemins que nul n'avait foulés, risque tes pas. Dans les pensées que nul n'avait pensées, risque ta tête. Tout enseignant est enseigné, tout enseigné est enseignant. Le pouvoir sur la vie, tu le tiens toi-même. Et le dernier, le pouvoir est au bout du fusil. Et de l'esprit quand même. Hein. Oui, beaucoup. Ça nous change un peu des 3 ou 4 slogans qu'on connaît sur mai 68, je crois qu'il y en a beaucoup d'autres. Oui, en effet. Bon, après, ça, c'est normal qu'il y en ait eu beaucoup, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on ne se souvienne pas de tous, vu qu'en effet, ils sont tous plus intéressants les uns que les autres. Les écrits restent. Oui, heureusement. Alors, c'était la fin de cette émission. La prochaine fois, je continuerai peut-être sur ce de lancer. Je parlerai peut-être d'écologie ou de décroissance. Oui, en effet, ça promet d'être plutôt intéressant. Et avant qu'on rende l'antenne, hein, déjà, je remercie les auditeurs d'avoir suivi jusqu'au bout. Et on se retrouvera techniquement le 13 juin pour ta prochaine émission. C'est tout bon, Antoine ? C'est bon. Très bien. Bon, écoute, merci. Merci bientôt, à toi. Pour les auditeurs, surtout. Oui. Et puis, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.